Dans vos rêves, tout allait bien. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait, et les gens mangeaient à leur faim. Il n'y avait pas de riches, pas de pauvres, mais juste des êtres humains. vis à l'extrême. Et tout le monde ferme les yeux sur ce problème. Combien de personnes encore vont se faire au rafler, utiliser puis simplement jeter. Mais tout le monde ferme les yeux sur ce problème. regarde par la fenêtre. Et la surprise, qu'est-ce que je vois? 3-4 bagnoles de castration, lit juste devant chez moi. Ou à peine le temps de dire merde, j'entends frapper, ça c'est pour moi. Des gens qu'on vient plus faire, j'en ai plein de cul, même sur les doigts. Je ne pense plus à rien et j'ouvre la porte d'un air serein. On me fait bien comprendre d'éviter de faire le malin. Feuille de perquisition et j'apprends qu'on m'a balancé. Bravo la délation, la France, rapide enfoiré. Policiers et les coups de matraque répétés. Fraternité, personne ne sent du bien, personne ne pourra s'y opposer.